programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Programming on KFAI is supported in part by UCARE, a proud sponsor of the Great River Energy Mesabi Trail Tour. Saturday, August 3rd, the 13 to 67 mile day-long event supports the Mesabi Trail, plus programming on KFAI and the rest of the AMPER stations. More information is available at mesabitrail.com. The tour is supported in part by UCARE's Living Well program, working to keep Minnesotans healthier. To avoid overeating, use smaller plates, avoid seconds, and share an entree. Learn more at ucare.org. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul. Radio without boundaries. Alors, bonsoir, Olaf. Bonsoir, Caril. Good evening. Et pour nos auditeurs, vous êtes à l'écoute de Bonjour, Minnesota. Et moi, je suis Caril, comme j'ai dit, Olaf a dit. And the program you are listening to is Bonjour Minnesota. Et on va commencer avec tout de suite la musique. Ce soir, on va commencer avec des anciennes. Et on va continuer avec un reportage très intéressant sur le Tour de France. Et ensuite, on va jouer quelques musiques modernes. On commence maintenant avec les compagnons de la chanson qui chantent une enfant. Et ça va être suivi par Édith Piaf avec les chœurs de René Saint-Paul, La rue aux chansons. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Elle vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon, un bohème, qui savait si bien dire « je t'aime » que ça en devenait bouleversant. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser l'adresse, emportant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Mais son cœur était trop grand pour l'âme d'une enfant. Vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde. Mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes. Alors sa vie battit en retraite, puis l'enfant connut la fin. Morte. de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontre pas des amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. On se serra un tout petit peu, il y en a pour trois quand il y en a pour deux. Luxe et confort, ça nous est bien égal, pas besoin de ça dans la rue aux cigales. C'est la rue aux chansons, c'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontre pas des amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. C'est la rue aux chansons. You heard the Compagnon de la Chanson in Un Enfant. Les Compagnons de la Chanson was a group that actually did quite a lot of songs with Edith Piaf, whom you heard as the second one. Well, Un Enfant is a somewhat sad story. Here is this woman, child, at 15. She's on the street out there. She left her parents to follow her lover. And, well, it didn't work out the way she thought it would. And here she is, sad and forlorn. The other one, by Edith Piaf, La Rue aux Chansons, is, well, somewhat a little bit more upbeat, but then also it has its downsides. It's La Rue des Chansons, is the Street of the Chansons. Song Street is not a good translation for this. It's the street of chanson. And she says everyone is happy there. And in the suburbs, we don't care about our comfort. We love the area that we are in the gray suburbs, and like to look at, watch the sky and so on. But then there are also children who weep without any obvious cause. And then there are unhappy lovers. Well, I guess you find those in every street. Merci, Olaf. Alors maintenant, on va écouter John Williams. Et c'est une chanson qui s'appelle « Si toi aussi m'abandonnes ». C'est connu en anglais aussi. Et le titre en anglais, c'est « Do not forget me, oh my darling », une chanson un peu style western des années passées. Et ça va être suivi par Georges Guettery, « Moulin Rouge », c'est la chanson du film. Les Français disent toujours « Moulin de l'amour ». Je crois que ça doit venir de Jean Renoir, de ce film, l'ancienne version.

qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Tu m'aimes, dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Programming on KFAI is sponsored by Lundin Productions, presenting the Coming Home concert Friday, August 2nd at Mill City Nights. Performers include Phil Solem of the Rembrandts, Roots gospel band Little Faith, featuring Ray Wolf, and from California, Fifth in Birmingham. More information is available at millcitynights.com. You heard, before this announcement, you heard John Williams singing Si toi aussi m'abandonnes. Oh, well, it's an old kind of Western American song. Do not forsake me, oh my darling. Mm-hmm. Obviously, he sings, and, well, the upshot of the whole thing is that even if you also abandon me, then I'm really down in the pits. But it's interesting to hear the French rendition of this mm-hmm. very same song, which was extremely popular when? In the 50, dans les années 50? 50, 60, yes. Peut-être, oui. It was, but, and where does it come, actually it came, if I'm not wrong, it came out of a Western movie. Peut-être, je ne suis pas sûr. In English. It's written by D. Tiomkin, who is Dmitri Tiomkin, I'm sure, a great conductor also. And M. François, don't know. H. H. Conte, and N. Washington. So it's, I don't know where it started, whether it was American or French originally. No, it's certainly, it started, it's an American song. Mm-hmm. The second one was Georges Guettari in Moulin Rouge. And basically, I mean, it's the song, the theme song from the film. And basically, he compares the moving of the windmill of the Moulin to his love life and to hoping that as long as these turn around, things will be happy for him too. So, the film is, it's not totally clear out of which version it comes. There are several versions mm-hmm. or several different approaches mm-hmm. to Moulin Rouge. And obviously it's the wheel that turns mm-hmm. love around. Right. Although the old mill, Le Moulin Rouge, is still up in, on the Place Pigalle. Oh, that's the... On the Boulevard Pigalle. That's the nightclub. Place Clichy. Is it Place Clichy? I think so. Mm-hmm. But anyway, that's... no more wheat is milled there, but the Montmartre was exposed to the elements and when they had a few... windmills up there, because that's the place, if you want to put a windmill in Paris, that's the place where you want to put it. Mm-hmm. I do know the Place Blanche was so called, the White Place, because they had limestone, I believe it was, that they ground to make whitewash. Was that? Would you know whether that makes whitewash limestone? Oh yeah, Something. It's, and Paris is overlying or sits over large gypsum and calcareous rocks and formations. So this was quite prevalent. So most likely there was all kinds of powder spilled, the whitewash on the Place Blanche, and so it was named that. Well, that's quite possible. Mm-hmm. Est-ce que tu veux jouer le reportage maintenant? Yes, sur this would be Tour de France. Yes, let's do this. Yeah, what you will hear is this. Well, first of all, let me. Those who, if you haven't followed the Tour de France, Christopher Froome did win the Tour de France of this year. He had the maillot jaune for quite often, and then of course he had it when he did his tour from Versailles to the L'Arc de Triomphe. So this was on Sunday. So there is what we'll present to you is a interesting interview by Yvan Amar, Les 100 Histoires du Tour de France, the 100 stories of the Tour de France. Yvan Amar is a has a program in which he specifically looks at French language and French new words or very interesting aspects of the French language. And the Tour de France has a clearly is a, what should I call it, a national treasure. I mean, it permeates French life, and even in older days even more so than today. And he is discussing this with two authors, Clément Lacombe, Les 100 Histoires du Tour de France, and so it's Clément Lacombe, Mustapha Kessou, and they are looking at the various words that are connected with the Tour de France. And we will break this up. We'll break it up and say a little bit about what to expect. And basically what they are doing, they recount the history of the Tour de France, especially the early days, which I think were the more interesting ones. And then go into various kind of type of words, like where does the maillot jaune come from? Where does the maillot blanc come from? Where does the peloton come from? And these things. And we'll explore this as they go along. Alors, le voici. La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, nous voici en ce moment en pleine période du Tour de France. La grande boucle a commencé, elle n'est pas encore totalement bouclée, mais ça nous donne une bonne occasion de nous pencher sur le vocabulaire, sur l'histoire, sur les mots du Tour. Parce que quand on dit le Tour, en général, dans un certain contexte, on sait ce que c'est. C'est pas le Tour du Monde, c'est le Tour de France, et il met pas 80 jours. Alors, il y a quelques semaines est paru aux éditions PUF dans la collection Que sais-je, les 100 histoires du Tour de France, un petit livre très agréable à lire, qui est signé par Clément Lacombe et Mustapha Kessous. Mustapha Kessous, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez été pendant un certain temps reporter au service sportif. Je crois que vous avez changé de service, mais enfin, on en reparlera une autre fois quand vous reviendrez pour nous parler de votre nouvelle vie. Là, je m'adresse aux connaisseurs du monde du cyclisme pour nous parler un petit peu donc de cette grande boucle que j'évoquais. Est-ce que ça fait longtemps qu'on l'appelle la grande boucle ? Est-ce que c'est un surnom, un sobriquet pour cette manifestation sportive qui est bien ancrée dans les mémoires ? Ah, c'est intéressant comme question parce que, pour être franc, je me suis jamais posé la question. Ça fait longtemps ? parce que l'âge du Tour de France. Le premier, c'était en 1903. Mais je sais quand même que depuis très longtemps, j'ai toujours entendu parler du Tour de France avec cette expression souriante, la grande boucle. Donc, c'est pas récent. Non, c'est pas récent. Je pense pas. Je pense que ça doit... Très vite, on a donné des sobriquets au Tour de France. Très, très rapidement, on a donné des surnoms aux coureurs. Parce qu'à l'époque, il y avait... On racontait le Tour à travers la presse écrite. Uniquement à travers les journaux. Et donc, pour nourrir les articles, pour nourrir la course, il fallait trouver plein de petits noms pour pas se répéter. Donc, si on avait un Paul, on pouvait l'appeler Polo, petit Paul, oreille crochue parce qu'il avait peut-être une oreille déformée, grand front parce qu'il avait peut-être un front large, grand épervier parce qu'il nous faisait penser à un épervier. Donc, très rapidement, ces sobriquets-là sont venus et sont restés dans la légende du Tour et le Tour de France. Ça nous rappelle aussi que le Tour de France est un sport extrêmement populaire, et qu'il y a un langage populaire, pas forcément familier, mais un langage populaire qui s'accroche à ce Tour. Ah bah, il n'y a pas plus populaire que le Tour de France. Vraiment, parce que c'est un sport qui est gratuit, et c'est un sport qui se déplace chez vous. Vous n'avez qu'à ouvrir votre porte, descendre de votre maison ou les escaliers du bâtiment, et voir la compétition. Il y a quand même... Il n'y en a pas beaucoup en France et dans le monde qui vous proposent ça. Bien avant la télévision, le Tour de France était quelque chose qui se donnait à voir pour le public. Parce qu'en effet, on attendait que l'étape passe dans votre ville ou dans votre village. Exactement, ouais. Ça se donnait à voir. Et puis on transmettait cet amour, entre guillemets, pour le Tour de France de génération en génération. C'est le grand-père qui a emmené son petit-fils, c'est le papa qui a emmené sa fille, c'est la maman qui a emmené sa nièce. Voilà, c'est quelque chose qu'on partageait en famille. Alors, très souvent, bien sûr, on s'est concentré sur les champions qui sont devenus des idoles et qu'on reconnaît à leur couleur. Alors, l'histoire du maillot jaune, je ne sais pas exactement quelle elle est, comment ça débute, mais quand on dit le maillot jaune, tout le monde sait ce que c'est. Eh ben, au début, il n'y avait pas de maillot jaune. Le maillot jaune arrive en 1919. Et pendant la compétition, c'est le patron Henri Desgranges qui se dit, mais... il faut donner une couleur distinctive au leader du Tour pour que les gens des bords des routes puissent reconnaître qui est le premier. Voilà, tout simplement. Voilà comment est né le maillot jaune. Et c'est Eugène Christophe qui porta à Grenoble, pendant le Tour 1919, ce fameux maillot jaune. Pourquoi jaune ? Je sais qu'il y a une légende aussi autour de ça, parce que le jaune était la couleur d'un journal qui soutenait le Tour de France. Ah bah oui, c'est ça, tout simplement. C'est la couleur de l'auto. Jaune, pourquoi ? Parce que c'était du papier qui était pas cher. Donc tout ça, non mais vraiment, c'est ça. Et il fallait se distinguer du lot de concurrents qui s'appelait le vélo et qui était vert. Voilà, donc voilà, c'est pas sorcier. Et le maillot jaune, bah pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà. Donc c'était pour se distinguer de l'autre journal sportif, le vélo qui était en vert. Seulement aujourd'hui, le maillot vert, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ah. Eh ben, alors, dites-nous un petit peu, qui peut porter le maillot vert. Le maillot vert, c'est celui qui va le plus vite, c'est le meilleur sprinter. Mm-hmm. Voilà. Il y a plusieurs distinctions au sein du Tour de France. Vous avez le maillot blanc qui est celui qui est le plus jeune, on récompense le plus jeune, qui a moins de 25 ans. Le maillot blanc à petits pois rouges, qui récompense le meilleur grimpeur. Vous avez le maillot jaune, qui récompense donc le gagnant. Enfin, celui qui est en tête, c'est pas forcément le gagnant. C'est ça qui est intéressant, c'est que le maillot jaune passe d'une épaule à l'autre. Elle peut au passer. Fil du tour. Il y en a qui ont gagné le Tour de France sans avoir porté le maillot jaune. Ah oui, oui. Qui n'ont pas été premiers pendant tout le tour, jusqu'à la dernière étape. Exactement. Classe, ça. Classe, hein. Ouais. Et est-ce qu'il y en a qui ont porté le maillot jaune pendant tout le temps? Oui, il y en a. Oui, oui, il y en a. Anctil, par exemple, du premier jour au dernier jour, c'est déjà arrivé de gagner le Tour de France du début à la fin. Oui, ça, c'est clair. Toutes les étapes, oui, ça, c'est déjà arrivé. À quel tatamar, à quel pavé dans la mare. un quart d'heure d'avance. Un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort dans la clameur du vélodrome. Les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur. La danse des mots, Yvan Amar. Alors... Okay, what you heard was a short introduction into the history of Le Tour. And as the interviewer mentioned, Le Tour in France, you don't need to say anything more. It's understood that this is Le Tour de France. And various kinds of words are connected to it. Grand boucle, the grand loop, is it also called from time to time. And so he talks about... Well, they had to give nicknames or different names to the various contestants, because at the time when it started, it was all through radio and through the press. And in order not to have to repeat themselves all the time, they gave names to, if someone was called Paul, they called him Polo, or if he had... cauliflower ears, they call them something about oreille cordue, and this way they could keep track of their favorites. And one of the interesting things was actually it's the greatest free entertainment in France. All you have to do is get downstairs, sit at the curb, and watch the contestants fly by. So and it's a thing that has been entertainment that has been going on for generations. Fathers bring their sons, mothers their daughters or nieces, and it becomes a family affair. And you see them pass by at a high clip. It's somewhat a little bit like the old baseball in this country, which was a family affair. When prices were such that you still could afford to go. Then they talk about the maillot jaune, and that was actually came in. Which means? Pardon? Which means? Which means the yellow T-shirt or the yellow shirt. Mm-hmm. And that came in because in 1919, one of the sponsors wanted to make sure that everyone knew who the front runner was. So that's how it came in. Secondly, it was also the newspaper that actually sponsored it was called Jaune, and it was on yellow paper. So here we are about this, but there are a couple of others. There is the maillot vert, the green shirt, and that's for those who win in the sprint. And then there's, this is very democratic, then there's a maillot blanc, and that's for those youths that are under the age of 25. So here they get some recognition. So, and then the question was, has anyone carried the jaune all the way through? There have been winners of the Tour de France who didn't have it a single time except for the last step and still won. Were there any that actually did, have it throughout the entire race? Yes, there was one, several, but one was Anquetil, and he carried it from day one till the last day. And Anquetil was, that's, I remember Anquetil because I worked in the laboratory in the French Petroleum Institute, and Anquetil was, at that time, was the big star. Mm. And the researchers and lab assistants, we had radio. These were transistor radios at the time, posed on the brink of the waste paper basket, because if any of the supervisors would come by, one could tip it into the waste paper basket. But the thing is, they never came by because they were probably listening to it themselves in their closed offices. Anyway, this was. And then it ended with a little bit of a technical problem, but you did hear the song about the chanson about the Tour de France. Voici une annonce. Strike up the drums! We just received our 5,000th like on Facebook. Thanks to Richard Medic for liking KFAI. Hey Richard, we like you too. If you want to join in, go to the KFAI page on Facebook or click the link at kfai.org. Thanks to everyone for supporting KFAI Community Radio. Hi, this is Dominique, inviting you to tune in to Caribbean Jam with my daddy, Limbo Jackson, every Saturday from 5 to 7 right here on KFAI Radio, 90.3 and 106.7 FM, Minneapolis and St. Paul. Moussa Fakessous, le cyclisme a ses héros. Mais les héros, même s'ils sont très connus, sont rarement passés du Larousse des noms propres au Larousse des noms communs, si on peut dire. Il n'y en a qu'un qui a eu cette chance pratiquement, c'est Poulidor. Parce que Poulidor est encore vivant, c'est son vrai nom. Et pourtant, Poulidor, c'est presque devenu un nom commun assez sympathique qui désigne quelqu'un maintenant. Oui, exactement. Poulidor est rentré dans le langage commun, mais comme Anquetil aussi. À l'époque, dans les années 60, de leur mano à mano, Anquetil, Poulidor, la France était divisée en deux. Il y avait les Anquetiliens et les Poulidoristes. On disait que Poulidor était poupouliste. Beaucoup de familles se sont déchirées entre eux. Il y a plein de noms qui ont tourné autour de ce mot Poulidor. Parce que Poulidor incarnait cette France profonde, des campagnes, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est pas un grand mot. Il venait vraiment de la terre, c'était vraiment quelqu'un de la campagne. Il avait un physique assez un peu ingrat quand même, vraiment très très bûcheron, très costaud, la mâchoire carrée. Et puis Anquetil, un peu bourgeois, un peu beau gosse, un peu bohème, bobo, bon. Et il était moins souriant, moins familier peut-être que Poulidor, qui plaisait plus. Ah bah oui, mais il y avait un qui était plus distant, un peu plus froid, et puis quelqu'un de plus chaleureux, qu'on avait envie de prendre dans les bras, embrasser, et puis il perdait souvent, donc... En France, on aime bien les perdants. Donc, d'une certaine façon, sa malchance lui a porté chance. En tout cas, ça a aidé à sa popularité. Ça a aidé à sa légende, à créer sa légende, totalement. Et quand on dit aujourd'hui de quelqu'un, c'est un Poulidor, ça veut dire que, comme on dit, c'est l'éternel deuxième. Oui, c'est celui qui est toujours extrêmement bien placé, mais qui n'arrive jamais à être le premier. Oui, exactement. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Poulidor n'est pas celui qui détient le record de numéro 2 au Tour de France. C'est un Néerlandais qui a dû terminer peut-être, je sais pas, 5 ou 6 fois deuxième. J'ai plus en tête, mais Raymond Poulidor n'est pas l'éternel second du Tour. Ouais, c'est pas lui qui, comme on dit, fait deuxième à chaque fois. Non. Et en fait, j'aime bien cette expression populaire que, de temps en temps, la syntaxe réprouve, c'est vrai, mais dans le monde du cyclisme, on dit « Ah, j'ai fait deuxième ». Oui, j'ai fait deuxième, ça n'existe pas. Ça n'existe pas deuxième parce que dans le Tour de France, on se souvient que du premier. Mmh. Et du deuxième, Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, il y a une semaine que le Tour de France est parti et pourtant le Tour commence demain pour vous. Ben oui, en principe, c'est dans la montagne que le Tour se gagne et je redoutais principalement cette première semaine. Cette première semaine est en principe passée sans trop de dommages, alors... Ça va très bien. Ça va très bien parce que dans cette première semaine, on peut dire que vous n'avez pas perdu le Tour de France. Non, au contraire, j'ai fait peut-être un pas même vers la victoire, car je n'ai pratiquement pas perdu de temps et au contraire, je suis même en avance sur Van Loy. Comment va la santé ? Très bien. Vous savez qu'on a tremblé pour vous après cette chute. Enfin, je crois que tout va bien. Oui, ça va très bien. Faites voir la pommette là-bas. Non, c'est rien. C'est rien, vous êtes toujours resté quand même un pin-up boy de notre vélo et surtout l'espoir numéro un du cyclisme français pour prendre la suite de Jacques Anquetil. Ben, j'espère, oui. Alors, Moustapha Kessous, il y a un certain nombre de mots qui reviennent tout le temps quand on parle de cyclisme, qu'on comprend à peu près, mais justement, on peut peut-être aller un peu plus loin que cet à peu près. On parle toujours, par exemple, du peloton. Dites-nous ce que c'est qu'un peloton. Le peloton, c'est l'ensemble des coureurs qui se regroupent et qui avancent ensemble. Donc c'est comme un essaim d'une certaine façon, oui, c'est oui, un groupe. C'est un groupe, voilà, c'est ouais. le groupe de l'ensemble des coureurs. Et ils sont proches les uns des autres alors. Le peloton, oui, généralement, il est assez resserré, assez regroupé. Ouais. Et puis on peut s'échapper, comme on dit, du peloton. Exactement. Il y a différents cas de figure. Si on se sent en forme, on peut décider de se faire la belle, de partir, en échapper. On s'extirpe. Du peloton et on part seul ou pas, on peut être accompagné pour essayer de gagner l'étape. On dit que voilà, il y a une échappée de quelques coureurs ou d'un seul coureur. Ouais, et l'échappée donc est en général en avance sur le peloton. Quand c'est le contraire, si le peloton vous distance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un nom pour dire ça? Oui, généralement il y a des gens à la fin du train, parce qu'on peut appeler aussi le peloton un train, qui se regroupent et qui forment une sorte de petit peloton qu'on appelle groupetto. Ils essaient d'avancer ensemble parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont moins bons, et ils sont solidaires pour finir l'étape. Et donc ils essayent de lutter contre l'élimination, ceux-là. Ils essaient d'arriver dans les délais, parce qu'il y a des délais. Il y a des si délais. Si on est hors délai, c'est fini. On peut rentrer à la maison. Oh, ouais, ça c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Donc il y a le peloton et derrière le petit peloton, oui. C'est le groupetto. Oui, c'est ça, totalement. Et puis il y a certaines étapes, bien sûr, qui ont une méthode particulière. Je sais qu'il y a le contre-la-montre. Aujourd'hui, c'est le contre-la-montre. Oui, le contre-la-montre, c'est celui qui ira le plus vite. Il y a une distance donnée et il faut aller le plus vite. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de coureur autour de soi qu'on essaye de dépasser. Non. Alors, il y a le premier part et je crois que l'autre d'après part 2 minutes après. Il y a quelque chose d'autre, 1 ou 2 minutes d'intervalle entre chaque coureur. Mais il arrive parfois que vous êtes tellement bon que vous dépassez celui qui est parti 1 minute avant vous ou 2 minutes avant. Ouais, bien entendu. Mais en même temps, c'est quelque chose de relativement solitaire, cette course contre la montre. Ah oui, c'est une course où on est seul, avec ses pensées, avec ses douleurs, parce que ça fait mal aux jambes de rouler. Je pense que les coureurs ne voient même pas ce qui se passe autour d'eux. Ils voient juste le bitume et ils sont concentrés et ils essaient de garder la distance parce que tout dépend le contre-la-montre. Mais vous avez des petits contre-la-montre qui peuvent faire 26 kilomètres et puis il y en a qui font 52 kilomètres. Donc c'est quasiment une heure de course où vous êtes tout seul. Donc il faut gérer la distance. C'est pas évident. Faut gérer son souffle. Faut gérer la faim, la soif, la douleur, la souffrance. Personne vous aide. Non, vous avez une oreillette. Où vous êtes connecté à votre directeur sportif. Alors ça c'est récent, j'imagine qu'en 1903, je suis même sûr qu'il n'y avait pas d'oreillette. Non, il n'y avait pas d'oreillette, il y avait peut-être des pigeons, on envoyait les pigeons, non, il n'y avait pas d'oreillette. Mais on les aide encore, les coureurs, on peut leur donner un peu d'eau, à manger, à boire. Pas sur le contre-la-montre. Pas sur le contre-la-montre. Non, c'est eux, c'est à eux de gérer tout ça. Ils ont leur bidon et c'est à eux de gérer. Ils ont leur bidon. Ouais, ils ont leur bidon, sous la, à côté de la selle, Et c'est à eux de gérer. Mais c'est pas facile, hein. Ouais. Comment on appelle leur monture, justement, leur vélo? Est-ce qu'il y a tout un argot autour du vélo? C'est l'argot qu'on connaît, la bécane, le deux roues, la petite reine. Ah, la petite reine, ça c'est vieux. Ça fait 1903, justement. La petite reine. C'est comme ça qu'on appelait le vélo au tout début du XXe siècle, alors que non seulement le sport, mais même la machine elle-même était toute récente. Parce que c'est une invention relativement récente que la bicyclette, hein. Ouais, ça a moins de 2 siècles, hein, finalement. Beaucoup moins, oui. Oui, ouais, beaucoup moins. Mais ça a été un mode de transport, qui a sauvé des populations, des villages. Et ça s'est rapidement développé. Vous savez combien pesaient les premières machines? Non, mais vous allez me le dire. Une quinzaine, voire une vingtaine de kilos. Je vais vous rendre compte. Imaginez sur une... Okay, the second part of this interview dealt with various heroes of the... Tour de France, and especially the rivalry between Anquetil and Polydor, who one was kind of come from a rustic background, Polydor, and the other one was more bourgeois, and people were split in their opinion about whom they liked more than the other. And basically then a few questions were asked about what's the peloton? And that's actually the pack that runs behind, and it also keeps the the path free for its star cyclist. It's also a word that means like a ball of yarn or something. It means ball of yarn, yes, ball. And then they talk about one very interesting thing has to do with in the early days. The cyclists were not fed or anything. They had to bring their own stuff, and they had to depend on people who would hand them a bottle of wine or a drink, and they had to stop for lunch on their own. So it was quite a very simple affair. And there's one famous photograph by the famous French photographer Cartier, in which a Tour de France member sits at a table in a small bistro, and someone from the outside reaches over and gives him a bottle of wine, and it's very very charming. Anyway, that's the Tour de France. And thank you, Axel, for calling in. That song that we were talking about earlier, we couldn't quite place where it was. It's in English, Do Not Forget Me, Oh My Darling, came from The Magnificent Seven, the old Western, The Magnificent Seven. And which in itself was an interesting takeoff on the Seven Samurai. Exactly. The Japanese. That was that with, it was with Yul Brynner, if I'm not wrong. Yes, you're right. Wrong. You're and right. Then the crazy German, Herzog. Well, you got me there. Well, remember these 10 minutes later. Exactly, but he did this on Agir, Wrath of God, or something like this in South America. But yeah, he was crazy. Il y a encore à écouter de oui, cela? Si, oui, un petit peu, parce qu'il parle justement de ça. Bon, encore un peu. De la vie des cyclistes. Pente, il pleut, il fait froid, il y a de la boue. Quand ça descend, c'est bien, parce que quand ça vous entraîne. Là, ça vous entraîne, vous allez vite. Mais c'est plus difficile à contrôler. Ouais. Eh ouais. Mmh. Et il y en a qui ont cherché à s'alourdir. Notamment un petit bonhomme, Jean Robic, qui était tout léger. Ah, c'était un grand coureur, Jean Robic. Grand coureur qui a gagné le Tour de France. Avant, il s'est marié, il avait promis à sa femme, je n'ai pas d'argent, mais la dot sera la récompense qu'on va me filer parce que je vais gagner le Tour de France. Et elle a accepté, elle lui a fait confiance. Elle a accepté, quelques jours après, ils se sont mariés, quelques jours après, il est parti sur le Tour et il a gagné. C'est beau. Ah ouais, c'était un beau cadeau de mariage. Beau cadeau. Heureusement qu'il a gagné, parce que sinon, sinon j'ose pas penser à ce qu'il aurait fait. À l'époque, on ne divorçait pas, donc ça allait. Et bon. C'était une autre époque. Et donc, il faisait quoi, une soixantaine de kilos ou un peu moins. Il était très petit et ils avaient décidé de mettre du plomb dans un bidon. Et il a réussi. Il a mis du plomb dans son bidon. Mais alors, il mettait du plomb quand ça descendait. Exactement. Et il enlevait le plomb quand ça remontait. Il l'a fait une fois, hein, parce qu'après, il contrôlait. Hein, Parce que c'était interdit ? Ah oui, c'est interdit. C'est une sorte de triche, quand même. Bon, on a le droit de rouler sur le vélo qu'on veut. Non, il ne faut pas tricher. Donc après, les règles ont évolué. Et ils ont commencé à contrôler les vélos. Plus récemment, on essaie de voir si à l'intérieur des vélos ne se cachent pas des petits moteurs. Ah oui. Oui. Ah oui, ça c'est encore plus fort, j'avais pas pensé à ça. Exactement. Parce qu'il y a quelques années, pas sur le Tour de France, mais sur le Paris-Roubaix, il y a un coureur suisse, et d'un coup, son vélo s'est envolé. Il y a une accélération, alors que ses jambes n'ont pas, la fréquence de ses jambes n'ont pas, ne s'est pas accélérée, et il s'est envolé. Et du coup, une polémique est partie, il doit probablement avoir un petit moteur pour aider à l'accélération des roues. Et du coup, tous les vélos sont scannés, contrôlés. Vous souhaitez réécouter La Danse des mots ? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr. Ouais, bravo ! around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. All right, so what you heard here was some of the early, some of the difficulties when you participate as far as your food and drink is concerned. Some of them slept in tents overnight. I mean, they didn't, this is no comparison with today. No comparison also with those little trucherie, with those little dopings or that they tried to do. One of them, actually, he was a very light one who had won the Tour de France legitimately. He actually had promised his fiancée that they were going to be married. He didn't have any money, but he promised that he would win the Tour de France, and he did. But then later on, he also tried to put a lead weight into, picked it up in his bag or whatever, so that you could run faster downhill. The more you weighed, the faster you could go downhill. Of course, you could only do this once. But that was found out, and these things were forbidden. Another one tried a little motor that was going to assist you in going up the hill, and they didn't find out till all of a sudden the thing went off on its own, and his feet didn't, he couldn't control it anymore. So from then on, the police was they policed all of the vehicles, the vélos, and put a stop to this. But this kind of trucherie is almost charming compared to what's happening today. Mm. Alors, on continue. Des surnoms pour les coureurs. Est-ce qu'il y en a qui sont restés dans les mémoires? Ah oui, oui, il y en a plein qui sont restés dans les mémoires. Donc, Poulidor Poupou, Jean Roby, comme on en parlait, lui, il en avait. Je crois que c'est celui qui a le record de surnoms. On l'appelait Tête de Cuir. Bon, il en a plein. Faustocopie, je crois que c'était l'Épervier. Alors, Faustocopie, c'était pas le Campionissimo. Il y avait ça aussi, crois, le champion des champions. Ouais. Exactement, mm-hmm. Qui mourra. C'était une vraie légende quand même. Oui, c'était. Il y a eu des beaux livres écrits sur Faustocopie. Mais vous savez, il n'y a pas énormément de sport qui a permis une grande littérature. Vous avez la boxe et le vélo. Mais je ne sais pas pourquoi, mais quand vous êtes sur le Tour de France, quand vous relatez la course, vous êtes transcendé. Vous avez la plume qui se transcende. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Peut-être parce que vous avez plus de facilité à raconter des tragédies, des souffrances, de la douleur, des joies, parce que c'est ce qu'on ressent. Et il y a une littérature incroyable sur des coureurs comme Coppi, Bartoli, Anquetil. Il y en a eu encore récemment. Sa fille avait sorti un livre incroyable sur son père. Donc c'est invraisemblable le tour, le vélo, comment ça peut faire, comme on dit, pisser de la copie. Bah oui, parce que ça passe un peu pour une épopée. Totalement. Tour de France. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui étaient des écrivains et qui étaient des romanciers et qui ont tenu à suivre le Tour de France dans la presse française et dans la presse italienne. Je pense que ce sont les deux langues qui ont donné les plus belles littératures au cyclisme. Ah oui, totalement. Mais en France, l'un des premiers, c'est Albert Londres. C'est donc un grand journaliste devant l'Éternel et qui, en 1924, suit le Tour de France. Alors qu'il ne le voulait pas. Il ne voulait pas. Lui qui a fait les grandes guerres, la Guyane, comment moi, le grand reporter, je vais suivre cette course populaire. Et finalement, il se prend au jeu et puis il découvre que les coureurs se dopent. Donc c'est quand même une des premières fois où dans la presse on parle du dopage avec les frères Pélissier et les forçats de la route. Qu'est-ce qu'on appelle les forçats de la route? Voilà, depuis. Alors que ce n'est pas lui qui a inventé ce terme. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Mais alors, qui sont ces forçats de la route? Ce sont des coureurs particuliers ou? Non, sont tous ces coureurs qui souffrent tout seuls. Sur l'enfer du Nord, sur comme on dit. L'enfer du Nord, l'enfer du Sud, des Pyrénées. C'est les pavés du Paris-Roubaix, je crois qu'on appelle, oui, l'enfer du Nord. Ouais, c'est des pavés où beaucoup de gens se sont fracassés la tête, où il y a eu beaucoup d'eau brisée sur ces pavés. Mais il n'y a pas que l'enfer du Nord, et on peut aussi dire l'enfer du Sud, l'enfer des Pyrénées, des Alpes, parce que finalement, la route, c'est l'enfer. Il y a un autre grand journaliste qui a suivi le Tour de France, c'est Antoine Blondin. Alors lui, vraiment... Qui lui aussi était romancier, qui a écrit des romans populaires, des romans policiers... Et une plume incroyable. La chute de la veille me brûle des épaules. Aux orteils, j'ai glissé tout seul sur des bandes blanches à Marseille. Je ne suis qu'un pansement pédalant derrière les autres et grimaçant loin du peloton, loin au classement. Encore 10 jours avant Paris, encore 10 nuits, et c'est les champs. Revenons un petit peu, Mustapha Kessous, à un certain nombre d'expressions particulières du Tour de France, parce qu'il y a un jargon et il y a un argot. Eh ben, voilà. Well, to finish off, I mean, this is the interview goes on, talking about the various aspects of the tour, especially an interesting statement that no other sport except boxing has generated as much actually serious literature as the Tour de France and cycling, and so that's. And that is in part because people empathize with what are called the forçats de route, de la route. These are those who really take it between their eyes. I mean, especially there's the hell of Roubaix, which was all cobblestone, and people would fall and they would break their bones and their cycles. But there are other enfers in the Alps, Mont Ventoux, and others. So it is quite a interesting phenomenon and a very French phenomenon. And they wind up in Paris. Yes. It's time to tell you you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio communautaire, KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 Saint-Paul, Radio sans frontières. Ben, on va continuer un peu avec notre musique, hein? And did we say what time it was? Did we say what weather it was? Il est 9h. It's exactly 9 o'clock, right? Il est 19h. Yeah. 21h, 21h. Oh, pourquoi je dis ça? Zut alors. OK. 21h. 2100 hours. Maintenant, on va changer un peu de la musique qui vient de Boris Vian. Alors, Boris Vian était presque un génie musical. Je crois qu'il était aussi journaliste. Il a écrit des chansons que vous allez reconnaître ou bien adapter certaines chansons américaines ou allemandes. D'abord, vous allez écouter l'artiste, ce sont d'autres artistes. Nana Mouskouri qui chante « Ces baisers me grisaient ». Et ça va être suivi par John Baez à « Tous les enfants ». C'était un jeune homme ignorant des baisers. On lui a dit, mon fils, il est temps de changer. A trouvé une blonde et il l'a embrassée. Juste après a recommencé parce que le grisé, mon Dieu, c'est baiser le grisé. voici ma main, je serai le meilleur des maris. Appeler des sœurs cause avec son âme et sa vie. Alors elle a fini par lui dire oui, parce que Seigneur, ses baisers le grisaient. Le grisé, il voulait se marier, avoir 12 enfants. Mais le lendemain matin, en revenant des champs, une brune aux yeux verts est venue à passer. Alors il a dit, voulez-vous m'épouser, parce que Seigneur, c'est baiser le grisé. Le grisé. En partant pour la noce avec son cheval brun, il a croisé une rousse au détour du chemin. Elle avait la peau fraîche et le nez retroussé. Alors il a suivi sans même se retourner, parce que Seigneur, c'est baiser le grisé. Je connais une dame qui persiste à l'aimer. Alors un jour il reviendra au foyer, parce que Seigneur, ses baisers me grisaient. Mon Dieu, ses baisers me grisaient. Sont partis le sac au dos par une brume et matin d'avril. J'y voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur le chagrin. J'y voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. Soudain une griffe d'un coup de feu, un monde neuf sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds d'eau chaude sous leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, à tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et content, content de leur écu. Tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront we heard Nana Mouskouri and Ses Baisers Me Grisent, Kisses Sweeter Than Wine. Well, actually, the translation of the phrase means his kisses make me intoxicated. And sounds better than drunk. That sounds better than just sweet wine. So, and of course, I mean, it's this same story. I mean, here she is singing about her lover and how his kisses are make her totally crazy for him. And then, obviously, like all lovers, he leaves at some time, and she hopes that he will be coming back. But in any case, his kisses intoxicate her. The second one is from Jean Baez, A Tous les Enfants. And this is a story, and I'll come back to the one who wrote it, which is Boris Vian, about children and how children suffer while other big shots sit and at their desks and devise ways of how to make the most money and how to run wars, which also make a lot of money for some people. Anyway, this is typical. This is a good subject that I think Joan Baez was into. She speaks time. Good French. Pardon? Accent is good. She sings very nice. She is isn't she part a Native American or Native? I don't remember. I read something about her life story before. But anyway, both of these songs were orchestrated and arranged by Boris Vian. And it's amazing when you see what this guy has done. I mean, he has. So we know him from producing lyrics for songs, producing the songs, the melodies, for producing them with his band, which was called The Taboo, or what was it? The Taboo. And then his passage at the Club Saint-Germain-des-Prés. So usually in this context of Bonjour Minnesota, we mostly meet him in the context of songs, of chansons. But he has created theater. He has written 10 novels. He has been greatly involved in acoustic sound engineering. So I didn't know all of this. So next time I hear Boris Vian, I think I'll take my doff my hat. And of course, he also was politically quite involved, mm-hmm. and obviously against the war that was raging at the time when he was living. He died end of the 50s, 59 or so. Mm-hmm. And that was a time when France had its engagement in Vietnam and what they called Indochina. And obviously they lost, and he was quite against it vocally and in lyrics. He was only in his 40s, wasn't he? Yeah, something like this. Yep. He was also an accomplished musician. He played the trumpet. Yes, in with amazing his group, talent. The Taboo, and yeah. Ok, tu ne vas pas attendre trop de temps, Olaf, pour la prochaine fois, parce que c'est Juliette Gréco elle-même qui va chanter musique mécanique. Alors, je suis pas sûre si c'est écrite par Vian lui-même ou si c'était une adaptation. Le prochain, c'est Yves Montand avec Bilbao Song, qui est une adaptation d'une chanson de Kurt Weill, de Happy End. La chanson, à l'origine, était créée par Lotte Lenya en allemand. Donc, voilà, Juliette Gréco d'abord. Thank you. l'été vient de ma fenêtre sous les toits. J'entends monter du vieux bistrot et tout en bas une rumeur pleine de rire et de chansons, des polkas, pianola. Les jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet dans des verres verts, un vin frais qui est gai. Et la musique tourne, tourne, et les danseurs s'enlacent comme ils enlaceraient le vrai bonheur. Instant fragile où l'amour passe, où l'amour naît, et vous met la tête à l'envers. Le patron invite la patronne, ils oublient soudain leur comptoir. Esmelto, fripon, au friponne qui gambille devant le petit bar. Voici 20 ans qu'ils ont repris ce vieux café. Ils l'ont laissé tel qu'il était, sans rien changer. La vieille glace a bien vu 10 000 amoureux se regarder dans les yeux. Même s'il tombe de la pluie sur les pavés, il y a du soleil quand le pianola se met à tourner. Les vieux clients hochent la tête en cadence pour rythmer chaque danse. Le chien bourru met son museau sur ses grosses pattes. Le chat blanc finit sa toilette sans faire des pattes. Encore un coup de vin clairé, puis l'on part. Au revoir, on reviendra ce soir. La nuit venue, je suis descendue dans le petit bar. Piano la jouait sa musique un peu bizarre. Il y avait un gars assis tout au bout du comptoir. Je me suis approché. Il a souri, on s'est compris sans rien dire. Serré bien fort l'un contre l'autre, on a dansé. Son cœur battait, mon cœur battait sans s'arrêter. Et on s'est embrassé. Et maintenant on vit ensemble, on est heureux. Quand vient l'été à la fenêtre, on rêve à deux. Et chaque soir monte vers nous la musique, la jolie musique mécanique. Bala Billa Bilbao, Bilbao, Bilbao, c'était le plus beau bal de tout le continent. T'avais à gogo le bruit, le rêve, le bruit, le rêve, le bruit, le rêve, et tout ce que le monde offre à ses enfants. Et quand on entrait dans cet établissement, je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu. On riait en buvant comme des perdus, sur le parquet l'herbe poussait de rue. Par le toit la lune verte passait, et puis la musique. Alors là, vraiment, alors on t'en donnait pour ton fric, hein. Hey Joe, Joe, rejoue la musique de ce temps-là. Vieille lune de Bilbao, que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, jamais je te ferai défaut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux. Je ne sais pas trop si genre de truc vous aurez plu, mais c'était le plus chouette, c'était le plus chouette, c'était le plus chouette du monde entier. Bala Billa Bilbao, Bilbao, Bilbao. Un beau jour fin mai à l'an 1908, 4 mecs s'amenèrent plein de galettes, plein de galettes, plein de galettes. Raconter tout ce qu'ils ont fait, ça je pourrais pas.

mimicking a mechanical, not only piano, but also a mechanical, you know, those things where the drums go and pipes start to whistle and so on, but in a very mechanical way. The next one with Yves Montand, Bilbao song, is comes from an opera by Kurt Weill and Brecht, Happy End. And it was first sung by Lotte Lenya, who was one of the foremost interpreters of Brecht's songs. And basically it deals with life in Bilbao and the bars in Bilbao. Bilbao is, of course, is a port city in northern Spain. Actually, it used to be a port city for ore transportation and ore shipment from some of the mineral areas of Spain. And so he laments the slight decay of Bilbao and the bars and whatever it is, and the music now, as he sings it, is shameful. So it's not like the good old days when things were roaring in the streets of Bilbao and in the bars of Bilbao. Merci, Olaf. Alors, on a une dernière chanson pour Boris Vian. C'est chanté par René Lebas et la chanson s'appelle « Moi, mon Paris ». Moi, mon Paris, je me le promène dans ma tête. Le bois de Boulogne avec les violettes. Les petites impasses où tous les soirs il m'emmène. Où il m'embrasse à perdre haleine. Et sur les bancs réservés aux amants, on va s'asseoir quand il fait beau temps. Et quand il fait moins beau, on descend dans le métro. Les oiseaux n'y sont pas, mais ça va. On a chaud, on attend que la pluie cesse. Moi, mon Paris, c'est celui-là que je chante au fil des rues dans mon vieux quartier. Ça n'est guère la peine de parler de la Seine, tout le monde la connaît. Et la tour Eiffel, mais on le sait qu'elle est belle, qu'est-ce que ça nous fait? Saint-Germain-des-Prés, c'est du réchauffé, c'est hors de saison. Et sur la butte Montmartre, les petites toques de Martre, ça pousse à foison. Moi, mon Paris, je me le promène dans ma tête. Le bois de Boulogne avec les violettes. Les petits impasses où tous les soirs il m'emmène. Où il m'embrasse à perdre haleine. Et sur les bancs réservés aux amants, on va s'asseoir quand il fait beau temps. Et quand il fait moins beau, on descend dans le métro. Les oiseaux n'y sont pas, mais ça va. On a chaud, on attend que la pluie cesse. Moi, mon Paris, c'est celui-là que je chante au fil des rues dans mon vieux quartier. Tout ça, c'est mon Paris à moi, car c'est celui que j'ai connu dans tes bras. The last one of the Boris Vian presentations is by René Lebas, Moi, Mon Paris, Me and My Paris. And she sings about, well, I mean, she sings about how she likes Paris, how she loves Paris when it's fair weather and they can go out and sit and watch the birds and hear the birds singing and sit on public benches. And when it rains, they go and take shelter in the metro and till the rain has passed. So she sings about her Paris, the streets that cover and that go through her quartier, her part of the town, and how she likes it, and even how she likes it, obviously, when he takes her out. And they go to the bal, le petit bal, which are small cafes that also have music at the time. So all of this, of course, is highly desirable, and she likes this, especially since the day that she met this young man who actually took her out to these balls. Et voici quelques annonces. KFAI is proud to sponsor the 20th annual Twin Cities Carry Fest. It all kicks off Friday, July 26th, with a night of music at the Knights of Columbus Hall in Bloomington. The party continues Saturday, July 27th, with an all-day festival featuring Caribbean food, music, art, and costumes along the banks of the Mississippi at West River Parkway. More information is available at carryfest.org. Hey! The new KFAI radio app allows you to live stream. Live stream? What is that? Listen to live stream from KFAI even while traveling. Start the app and your favorite station starts playing. No clicks to start listening. I think I'm going to have to try it. There's even integrated program schedules for the KFAI stream. Tell me more. I can't tell you everything about our new live stream app. For more information, go to kfai.org. Here's a few announcements from the Alliance Française. There are many classes coming up, French for Travelers. These are all five-week classes. So you can take French for Travelers on Wednesdays starting July 24th at 6 to 8 p.m. or Fridays, July 26th from 10 to 12 in the morning. There's another class on Les Bandes Dessinées, what we call comics, which many, many countries besides, especially France, is very, very interested in the more serious side. So that will be offered on Tuesdays, July 30th to August 13th from 6 to 8 p.m. with Damien as teacher. Learn about the different schools, Belgian, French, Italian, and so on, and styles, science fiction and humor. And meet with and learn from European comic book authors as they participate in a week-long artist-in-residence project, Pierre Feuille Ciseau, at the Minnesota College of Art and Design, MCAD. There is a one-day workshop, Saturday, August 3rd, from 1 to 4, on Les Temps du Passé, the different past tenses, and another one, that meets from 10 on August 10th, Saturday, at 1 to 4 p.m. on Le Bon Pain, all about bread. And not only do you look at things, and you will see movies about them, such as La Femme du Boulanger, which is quite a funny one. And they'll talk about the politics surrounding its production, that is, bread is production, in France and the U.S., while trying out some of the very finest French breads from the Twin Cities. Beginner 5 or higher, that is their level. You can also discover France with summer camps for children 9 through 15th for experienced French students. Mohamed Yabdri, that we interviewed, a very funny man, will be teaching théâtre en français. High school French review for students who would like to get back in the swing of things before class starts, July 29th through August 2nd, 1 to 4 p.m., or August 5th through 9th, Monday, Tuesday, Thursday, 4:30 to 6. And, well, there's several more of them for the same. Oh, this is what I'm interested in. Something new for members of the Alliance is called Culture Tech, a new benefit for members. French at your fingertips. Magazines, books, films, comics, bande dessinée, podcasts, and more is on Culture Tech, T-H-E-Q-U-E.com. You will have 24/7 access, over 400 magazines, 1,000 books, 300 videos, and so on and so on, all at your disposal. You register online by selecting Alliance Française, Minneapolis, St. Paul, in the list, and your membership will be confirmed by their team. I just checked it out. I mean, oh, did you check it out? It's quite astounding. Sounds, I mean, if they pull this off, I mean, the French Cultural Ministry or whatever who starts this, it's quite amazing, because it has. Oh, this came from the Culture Ministry. Yeah, yes. I mean, it's great. So it's launched for the entire world, and books and but especially videos and film. And then they have for all ages, I mean, for kids, for young teenagers and so on, appropriate books, comics, also for all ages, because comics nowadays are also for older people, right? That's right. So, but it's quite an undertaking. It started on July 14th. On the Bastille Day. Well, through July 31st, there will be French artist Stéphane Cataneo will be exhibiting his works at the Black Dog Cafe in St. Paul. There will also be a clarinet performance, but I don't think they say exactly when that's going to be. The Trilon Theater is a small independent film theater. It's the home of Take Up Cinema. They will be showing the films. In August, they'll be showing at the Trilon works by Pierre Ité. He's done it all, and he's largely unknown outside of his homeland. So this is your chance. Pierre Ité has been praised by directors as diverse as Truffaut, Bresson, Godard, and David Lynch. So check out the lineup and schedule of Ité films at the Trilon. I'm sure you can check out Trilon online. Lutheran Social Service refugee mentors are needed. Some of these, I imagine, are Francophones. They're just coming to the United States. They are Congolese. The goal is to mentoring is to help them become self-sufficient and to integrate into our community. You're expected to meet at least 3 times for 3 months. Oh, excuse me. Contact Anna at membership@afmsp.org. I think that will be enough for tonight. If you are looking for a job, there are several jobs listed at the Alliance Française. Contact them at the Alliance. Let's see, their number. Well, Alliance Française. Voilà. On va revenir maintenant à notre musique. Maintenant, quelque chose de nouveau. Vanessa Paradis, avec une chanson qui s'appelle L'au-delà. Elle est de retour sur scène après la rupture avec Johnny Depp. Elle nous montre encore son grand talent. Ça va être suivi par Bertrand Belin, un déluge. Il écrit avec une poésie aride, dit-on, comme on voit dans cette chanson. Vanessa. Ne me demandez pas pourquoi je suis venue sur mon chemin de croix, la route était tordue. Ne me demandez pas comment c'est arrivé. Je ne m'en souviens pas, le temps s'est arrêté. Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas. Et dans mon insomnie, je ne comprenais pas. Je voyais de partout des étoiles qui filaient. Elles m'ont mené à vous, m'en voilà désolé. Désolé. Ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça. Si le Dieu qui m'a faite se moquait de moi. Ne me demandez pas comment ça s'est passé. Quand j'ai perdu la tête, le temps s'est arrêté. J'ai fouillé dans le ciel et toute la journée recherché les ficelles de son immensité. J'ai vu danser la perle perdue dans la tourmente. Elle avait la couleur d'une mort triste lente. Triste lente. C'est beau. Dans un sifflet de gaieté, je KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Strike up the drums. We just received our 5,000th like on Facebook. Thanks to Richard Medic for liking KFAI. Hey, Richard, we like you too. If you want to join in, go to the KFAI page on Facebook or click the link at kfai.org. Thanks to everyone for supporting KFAI Community Radio. Well, Vanessa Paradis is back. And she's back with the song after a long period of silence. But she now has a new album out. And she's back with one song, L'eau de là, the beyond. So it's kind of a ghostly voice. She sings about the beyond and so maybe that's where she came from, but that's where she was. So the next one is by Bertrand Belin, Un Déluge. And again, this has to do with he is longing for a woman and they are trying to get involved and he's trying to find her. But then there is a flood comes from him, and the flood is kind of universal. Eh bien, merci. So much for floods. D'accord. On va continuer avec la musique moderne qui nous vient par RFI, Radio France Internationale. Quelqu'un avec un drôle de nom, Eddie Lagouliach. Et il va chanter là-haut. Eddie s'inspire, et sa musique s'inspire des Beatles et de Chet Baker, avec aussi des rythmes cubains et hawaïens. Après 3 ans de silence, il sort cet album, son deuxième, qui s'appelle Eddie Lagouliach. Et ça va être suivi par le troisième qui est en préparation maintenant. Ensuite, vous allez écouter Mel, Un pied dans le vide. Chanteuse et écrivain de talent, Mel vient de sortir son troisième album. Alors, Eddie Lagouliach. Tu voulais me faire voir un temps de chien à demeure, sans soleil et sans chaleur. Toi tu voulais pleuvoir et un peu m'y faire croire, avaler des couleurs, de toutes les couleurs, de l'amour de roman noir. Dis-moi, moi je n'avais Dieu que pour ce qui se passe là-haut, oh, oh, dans le ciel bleu, un ange passe. C'est beau, c'est beau. Tu voulais me faire boire la coupe jusqu'à la lie. Tu les appelais-tu chéris, ceux que tu allais voir. Tu voulais de la fumée et des leurs, des midis à pas d'heure, de l'amour de fond de tiroir. Et moi, moi je n'avais Dieu que pour ce qui se passe là-haut, oh, oh, dans le ciel bleu, un ange passe. C'est beau, c'est beau. fatiguait le chaland avec tes idées noires. Et moi je n'avais Dieu que pour ce qui se passe là-haut, dans le ciel bleu. Un ange passe, c'est beau. Moi je n'avais Dieu que pour ce qui se passe. Eddie La Guyache in Lao, and what he sings about is you want to have me look for beauty, you want to look at the blue sky, you want to look at something at beautiful from Lao, from up there, or up there. Anyway, and the next one is Mel, Un Pied dans le Vide, and Mel is a very joyful soul who likes to sing, and she sings funny tunes and so on. And this one is about 1 foot over the abyss, 1 foot dangling over the, well, empty space. And then she sings about, she is trying to connect with her friend, with her lover, and but all the time it has to do with one foot. She's afraid of falling, but she's fallen in love, and now she has one foot over the empty space, over the abyss. Ah là là. Alors, ça va être presque notre dernière chanson. C'est Lily Crow et Thierry Chazelle qui chantent « Tout va bien ». Ce couple voyage de Saint-Anselme en France et à l'étranger depuis 4 ans. Leur musique est électro-acoustique, énergique et pleine de fraîcheur. Alors, Lily Crow, Thierry Chazelle, « Tout va bien ». This was Lily Crow and Thierry Chazelle in Tout va bien. And they sing about how they walk around, I mean, walk off with a guitar on their back, Tout va bien, how they hold hands in the movie, Tout va bien. And basically, I mean, it's an upbeat song about, well, whatever you do, Tout va bien. Kind of reminds me of the song by, was it Ventura? On Tout va bien, Madame la... Oh, yeah. Madame la Marquise. Madame la Marquise, which is quite the opposite of this. But anyway, that's not what we are listening to tonight. So, we are getting close to our... Oui,